Matthieu chapitre 10. Alors Jésus ayant appelé ses 12 disciples, leur donna puissance sur les esprits immondes, pour les chasser hors des possédés, et pour guérir toutes sortes de maladies, et toutes sortes d'infirmités. Et ce sont ici les noms des 12 apôtres, le premier est Simon, nommé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas, et Matthieu le Pélagé, Jacques, fils d'Alphée, et Lébée, surnommé Thaddée, Simon le Cananéen, et Judas Iscariot, qui même le trahit. Jésus envoya ses 12, et leur commanda, en disant, « N'allez point vers les gentils, et n'entrez point dans aucune ville des Samaritains, mais plutôt allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous serez partis, prêchez, en disant, « Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, rendez maîtres les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons hors des possédés, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Ne faites provision ni d'or, ni d'argent, ni de monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de deux robes, ni de souliers, ni de bâtons, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelque ville ou bourgade que vous entriez, informez-vous qui est digne de vous loger, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez de là. Et quand vous entrerez dans quelque maison, saluez-la. Et si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Mais lorsque quelqu'un ne vous recevra point, et n'écoutera point vos paroles, secouez, en partant de cette maison, ou de cette ville, la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité, que ceux du pays de Sodome et de Gomorre, seront traités moins rigoureusement, au jour du jugement, que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme des serpents, et simples comme des colombes. Et donnez-vous garde des hommes, car ils vous livreront au consistoire, et vous fouetteront dans leur synagogue. Et vous serez menés devant les gouverneurs, et même devant les rois, à cause de moi, pour leur rendre témoignage de moi, de même qu'aux nations. Mais quand ils vous livreront, ne soyez point en peine de ce que vous aurez à dire, ni comment vous parlerez, parce qu'il vous sera donné dans ce moment-là ce que vous aurez à dire. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle par vous. Or le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leur père et leur mère, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais quiconque persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Or, quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre, car en vérité, je vous dis, que vous n'aurez pas achevé de parcourir toutes les villes d'Israël, que le Fils de l'homme ne soit venu. Le disciple n'est point au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le père de famille Béelzébul, combien plus appelleront-ils ainsi ses domestiques? Ne les craignez donc point. Or il n'y a rien de caché qui ne se découvre, ni rien de secret qui ne vienne à être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les maisons. Et ne craignez point ceux qui tuent le corps, et qui ne peuvent point tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui peut perdre l'âme et le corps, en les jetant dans la géhenne. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou, et cependant aucun d'eux ne tombe point en terre sans la volonté de votre Père. Et les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je n'y suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre en division le fils contre son père, et la fille contre sa mère, et la belle-fille contre sa belle-mère. Et les propres domestiques d'un homme seront ses ennemis. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Et quiconque ne prend pas sa croix, et ne vient après moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie, la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi, la retrouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense d'un prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra la récompense d'un juste. Et quiconque aura donné à boire seulement un verre d'eau froide à un de ses petits en qualité de disciple, je vous dis, en vérité, qu'il ne perdra point sa récompense.